Les Saguenay de Chicoutimi, ben, ont appris une mauvaise nouvelle lundi. La saison de la Ligue de hockey junior du Québec et la Ligue canadienne de hockey est maintenant chose du passé, et compte tenu des circonstances que tout le monde connaît. On en parle avec le président Richard Letourneau. Salut Richard. Bonjour, Monsieur Denis, ça Ah, va? oui, ça va bien, ça va bien. Des circonstances, on s'est parlé la semaine passée, il y avait rien de fait, mais là, c'est finalement, on a connu la décision lundi. La réaction des Sags là-dessus. Ben, c'est sûr que dans un premier temps, comme je vous ai dit la semaine passée, j'avais toujours espoir à ce qu'on retarde au maximum en espérant que le temps nous donne raison d'avoir attendu, mais on voit que plus ça avance, puis plus les mesures sont strictes, puis moins il y a de possibilités de faire des activités. Donc, je pense que c'était normal que la Ligue avise qu'il y avait une fin de la saison, incluant les séries. Par contre, pour ce qui est des Saguenayens, c'est bien sûr qu'on est extrêmement déçus, pas de la décision, mais de ce qui arrive, là. Je pense que la décision est compréhensible, mais entre la comprendre et la il y a une différence. Mais écoutez, c'est vrai qu'on est déçu, mais que voulez-vous? C'est un phénomène qui, c'est la première fois que ça arrive dans l'ère moderne. Fait qu'il C'est va pas de la falloir faute de personne, que en l'on vive réalité, avec. là. Ben, c'est ça, exactement. C'est pas de la faute de la personne. Est-ce que vous aviez espoir jusqu'à la vous aviez espoir que finalement qu'on trouverait une façon de terminer la saison? Oui, on avait espoir, hein, oui, on avait l'espoir que la saison se termine. On espérait même être capable de dire pour nous autres, c'était qu'on aurait aimé même que ça puisse se jouer en juillet puis en août. Ah, vous avez ça aurait été Mais, possible? ben, c'est pas que c'était possible. Nous autres, c'est ce qu'on pensait puis c'est ce qu'on aurait aimé. Pas pour la Coupe Mémorial, mais au moins pour ce qui est de ce qui se passe au niveau de la Ligue junior majeure du Québec. Mais il y a des contraintes qu'il faut tenir compte, ne serait-ce que au niveau des amphithéâtres. Les amphithéâtres appartiennent la majorité à des municipalités. Des choses à faire en juillet qui sont pas nécessairement le hockey n'est pas nécessairement la priorité. Après ça, ben, il y a tout l'aspect des joueurs étudiants, le déplacement des joueurs pour la prochaine année scolaire. Car c'est tout ça qui fait que c'était pas nécessairement évident alors à mettre en marche. Dis-moi, Richard, ça représente quoi, je veux dire, du côté des joueurs, est-ce que du côté du repêchage, est-ce qu'on peut penser que les Sags auront quand même une bonne équipe l'an prochain? Ben, pour commencer, au niveau du repêchage, il va, ben, un, vous savez comme moi que oui, il va y avoir un repêchage, mais si vous me demandez la date du repêchage, ça, je peux pas vous la dire, parce qu'effectivement, il y a un paquet de choses qu'il faut que la Ligue tienne compte. Vous savez que normalement, notre personnel hockey rencontrait les joueurs, plusieurs en groupe, après ça, certains individuellement. Mais maintenant, avec toutes les nouvelles contraintes, ben c'est que tu peux plus faire de groupe de regroupement. Donc, faut que tu rencontres les joueurs individuellement. Puis tu peux pas les rencontrer en personne. Donc, tout va se faire par vidéo. Donc, Pas pareil, si hein? t'en, si, non, si tu rencontrais, je sais pas, moi, en tout et partout, 30 joueurs ou 30 ou 40 joueurs, ben là, les joueurs vont, au lieu de les rencontrer, je sais pas, moi, les plus hauts gradés, si je peux m'exprimer comme ça individuellement, ben, il va falloir que tout le monde, toutes les rencontres ou les entrevues se fassent individuellement. Donc, on multiplie le temps à passer là-dessus par un gros facteur. Donc, ça, puis en plus, c'est que la particularité, nous, c'est que sur le parquet, lors du repêchage, on avait le droit de faire des échanges, un petit peu comme dans la ligne nationale. Mais là, en faisant ça par Internet, qu'est-ce que tu fais avec la possibilité des échanges si les équipes peuvent pas être ensemble pour être capables de discuter? C'est tout ça là, qui fait que c'est pour ça qu'on peut pas dire quelle date qu'il va y avoir un repêchage, puis de quelle façon que ça va fonctionner. Mais on avait Donc, c'est un ouais. paquet d'interrogations là qui ont que l'événement puis les décisions vont nous aider à avoir un petit peu plus clair. Mais du côté de talent, l'année prochaine sur la glace, ça va être je sais que vous avez perdu quand même plusieurs choix repêchage. Est-ce qu'on peut penser que ça va être une bonne équipe pareille? Écoutez, en partant, c'est sûr qu'on va avoir, sur papier, c'est sûr qu'on va avoir une bonne équipe. Qui ne rêverait pas d'avoir sur un même trio Dawson Mercer, Hendrix Lapierre et Samuel Hood? Ouais. Fait que, c'est sûr que ça, puis d'avoir à la défensive un duo qui s'appelle Artémie Niassev avec Crevier, avec Louis Crevier. Ouais. Et d'avoir dans les buts un gardien comme Alexis Schenk. Ouais. Fait que, tout ça fait que je pense que oui, on va avoir une bonne équipe l'année prochaine. Là. OK, OK. Est-ce que la Ligue de hockey junior du Québec, ça va avoir un impact financièrement? Est-ce que tu sais sûr que tu connais pas toutes les situations des équipes, mais est-ce que ça peut avoir un impact sur certains clubs? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, moi, ce que je vais vous dire, c'est que il y a des bonnes possibilités que le modèle d'affaires des équipes de la Ligue junior majeure du Québec change. Hmm. Écoutez, vous savez que dans le fond, la Ligue junior majeure, on était tout le temps à la fine pointe de la technologie, de l'actualité. On suivait qu'est-ce que la Ligue est, qu'on pense aux reprises, qu'on pense aux instructeurs, instructeurs des défenseurs, instructeurs habilité, instructeurs ci, instructeurs ça. Donc, on essayait de vraiment entourer les joueurs de la meilleure façon possible. Mais c'est sûr que ça avait un coût. Est-ce que, je ne sais pas, moi, je parle pas pour les Saguenayens proprement dit, mais si on prend une organisation, je ne sais pas, moi, mettons 800 000 de commandites, ben, est-ce que toutes les commanditaires vont être de retour? Est-ce qu'ils vont en avoir juste pour 500 000, pour 600 000, pour 400 000? En étant chanceux, puis que tu gardes le même nombre de personnes qui vont assister au match, ben si tu manques 400 000, il va falloir que tu coupes dans les dépenses. Ben ouais. Puis c'est quoi qu'on coupe les premiers, souvent c'est la publicité, hein? Oui, publicité, ou il va falloir qu'on aille plus loin que ça, parce que c'est pas nécessaire, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est pas nécessairement un poste qui est très important, là, dans... Tu sais, je veux dire, c'est que... Il y a des coûts qui sont immuables. L'autobus, mais encore là, c'est tout ça. Là. Est-ce que pour couper dans les frais de transport, est-ce que au lieu d'aller trois fois par année ou quatre fois par année, on va y aller seulement deux fois et qu'on va jouer deux matchs consécutifs sur place? C'est tout ce genre de choses-là. Quand on parle de modèle d'affaires puis de se creuser les ménages pour en faire plus avec moins, là, c'est tout ça qu'on va avoir à... qu'on va avoir à réfléchir. Est-ce qu'un repêchage, je reviens sur le repêchage, là, Richard, est-ce que c'est pas mal fait? Je veux dire, l'évaluation des joueurs, est-ce qu'elle est pas mal faite? Puis ça, la question s'équivaut pour le repêchage initial aussi. À cet ainsi de l'année, là, c'est-tu pas mal fait? Mettons qu'il y a un repêchage en fin de semaine, là. Est-ce que vous seriez à l'aise avec la liste des joueurs? Est-ce que vous seriez à l'aise avec faire un repêchage ou vraiment l'évaluation de la personne? Je sais que c'est très important. C'est tellement important. C'est très important. Okay. Pour nous, c'est une condition sine qua non. Okay. Parce que c'est important de savoir si d'avoir le caractère du joueur, d'avoir les affinités du joueur. Savoir, écoutez, je vais vous donner un exemple, je ne sais pas, pour nous, les études est une priorité, je vous dirais, minimum autant que le hockey. Okay. Si un joueur qui nous dit ou que ses parents disent, nous autres, là, l'école, c'est une carrière, puis on se fout qu'il aille à l'école ou non, ben c'est sûr que pour nous autres, je ne suis pas sûr qu'on va être intéressé de le repêcher. Là. OK. Puis c'est la même affaire pour le repêcher à la Ligue nationale actuellement. L'évaluation des équipes était pas assez complète, j'imagine. Là, je te pose la question générale. Ou à cet ainsi de l'année, on peut faire un repêchage pareil. C'est le même principe, j'imagine? Je ne peux pas nécessairement parler pour les gens de la Ligue nationale. OK. La Ligue nationale, là, c'est pas nécessairement la même dynamique. Là. Je veux dire, mais par contre, au niveau... C'est primordial, mais encore là, au niveau de la Ligue nationale, écoutez, vous savez, quantité qu'on connaît la qualité des individus, ben ça s'applique autant au hockey aussi. Donc, quand tu arrives dans les séries, puis que le jeu monte d'un cran, que l'adversité est là, etc., etc., ben s'il y a des joueurs qui se démarquent, ben veut ou veut pas, quand c'est le temps du repêchage, ben je suis persuadé, moi, que qu'ils en tiennent compte aussi, là. OK. Richard, on va te souhaiter la meilleure des chances. Je sais que c'est pas été facile, ça doit être frustrant. J'imagine que vous avez dû lâcher des TA, puis des calls, puis des... parce que vous aviez tout mis, là. Vous aviez mis beaucoup de choses, mis beaucoup d'espoir. Ça fait des années que vous prépariez. Fait qu'il y a dû avoir des jurons qui a dû se lancer, puis avec raison. Mais à quelque part, comme je dis en début d'entrevue, c'est pas la faute de personne. Fait que tu peux pas blâmer personne, là. Tu sais. Bon, écoutez, on avait vraiment misé, nous, cette année. Ouais. Pour aller loin. Je vous mentirais pas que nos aspirations étaient très, très, très, très élevées. Écoutez, c'est sûr que ce qui arrive là, c'est malheureux. Je pourrais vous dire, c'est quasiment l'apocalypse, là. C'est malheureux, mais comme vous dites, c'est hors de notre contrôle. Fait qu'effectivement, je pense que maintenant, on va se retrousser les manches. Puis déjà, notre équipe travaille sur la prochaine saison, autant au niveau administratif qu'au niveau hockey, pour vraiment essayer de démontrer aux gens là, que c'est toujours un plaisir de venir au Centre Georges Vézina. Ça fait passer un peu aux expos de 94, un peu petit, là. La différence, c'est que les Saguenayens vont rester... Bon, ben c'est beau, Richard, fait qu'on s'en reparle bientôt. Le président des Saguenayens, Charles Letourneau.